Bonjour. Salut. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Andrea. Et toi? Je m'appelle Maria. Comment ça va? Ça va bien. Et toi? Ça va bien. Quel âge tu as? J'ai 2 ans. Et toi? J'ai 11 ans. À bientôt. Au revoir.